à tous, vous écoutez Radioactive sur le 94.7 et le 93 FM, et c'est l'heure de retrouver le Mag d'Actu. Alors au programme de cette émission aujourd'hui, nous accueillons Julie Gandzelevitch. Julie est en ligne avec nous, elle est conseillère en formation professionnelle, chef de projet hôtellerie, restauration, tourisme au Greta Centre Val-de-Loire. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Julie, si on échange aujourd'hui, c'est parce que vous organisez, en partenariat avec France Travail, un événement baptisé Job Chef qui aura lieu ce mercredi 11 septembre au lycée professionnel Chaptal. Alors à qui s'adresse ce rendez-vous, Julie ? Alors ce rendez-vous s'adresse à tous les adultes et jeunes adultes à partir de 16 ans. Donc en souhait soit d'approfondir leurs compétences en cuisine ou tout simplement pour démarrer une reconversion professionnelle. Est-ce que des diplômes sont exigés ou non pour qu'ils puissent éventuellement postuler ? Alors, il n'y a aucun diplôme exigé. Il y a, on va dire, des connaissances, des compétences minimum requises. Mais l'important est de savoir que tout le monde a la possibilité, on va dire, de suivre une remise à niveau en démarrage de formation. C'est-à-dire si jamais sur éventuellement quelques connaissances mathématiques, français, langues étrangères, il y avait quelques ajustements à faire, ceci serait proposé en démarrage de formation. Très bien. Alors je crois qu'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, France Travail et vous, hein, puisque vous co-organisez cet événement, c'est de pouvoir apporter une approche différente de la formation classique. Alors vous pouvez nous expliquer comment ça va se dérouler et en quoi ça va consister ? Oui, bien sûr. Alors contrairement à ce qu'on appelle aux réunions d'information, aux informations collectives au démarrage de formation, cette fois-ci, on organise, on va dire, une mise en situation. Les candidats sont attendus à 13h30 au lycée Chaptal. On fait une très brève présentation avec les informations très importantes sur les lieux, sur les horaires, sur la durée. Mmh. Et tout de suite après, ils sont mis au cœur de l'action avec un chef cuisinier du territoire, Romain Thévenon, du restaurant Liberté. Donc ils seront mis en situation. L'objectif, c'est de se dire pourquoi pas moi, vous n'osez pas vous lancer, et bien ce jour-là, vous serez aux côtés d'un chef cuisinier qui vous apportera tous ses conseils pour réaliser une création culinaire. Alors Romain Thévenon, que vous évoquiez à l'instant, c'est un professionnel expérimenté hein, qui a notamment travaillé longtemps dans l'hôtellerie de luxe, mais pas que, c'est quelqu'un qui pratique la cuisine éco-responsable. Ça aussi, c'était un élément pour vous qui était déterminant. Tout à fait. Lors d'échanges avec Romain, on abordait justement sa cuisine éco-responsable, cuisiner avec des produits frais, en circuit court, des produits de qualité et locaux. Là, ça va de pair avec l'accent que l'on met au sein du CAP Cuisine, à savoir une semaine entière dédiée à la cuisine éco-responsable. Mmh. Pourquoi pas pour apprendre à cuisiner avec nos propres épluchures. Donc oui, ce sont des valeurs qu'on souhaitait mettre en avant avec Romain, avec ce partenariat. Et puis une autre particularité, c'est vous parliez de la durée de cette formation, elle est plus courte que la formation classique. Oui, tout à fait. En fait, en circuit, ce qu'on appelle initial, donc lorsqu'on est étudiant, qu'on fait un CAP, quand on est jeune, il dure 2 ans. Cette fois-ci, lorsqu'on s'adresse aux adultes, il dure 1 an à peine, 9 mois. Il démarrera donc le 18 septembre au lycée Chaptal et il se terminera le 18 juin 2025. Très bien. Il y a combien de places, Julie ? Alors, il y a combien de places au Job Chef ou à la promo ? Alors, on va dire que au Job Chef, je vous dirais que l'inscription est obligatoire. Donc, surtout, avant de souhaiter participer, n'hésitez pas à vous adresser à votre conseiller France Travail ou vous inscrire directement sur Mes événements emploi. Voilà, il y a un QR code hein, sur l'affiche. Hein, je me permets de préciser parce que c'est vrai que c'est très facile d'accès. Tout à fait. Donc, sur le site de France Travail, Mes événements emploi, donc aucun souci pour vous inscrire. Donc, inscription obligatoire. Après, au niveau de la formation, du cursus, on va dire qu'ils seront entre 10 et 14 candidats suivant la motivation et l'affluence que l'on aura cette année. Mmh. On le disait hors antenne, juste avant cet enregistrement, mais des débouchés certains pour ce secteur qui reste en tension, évidemment. Oui, en fait, quand on fait le point avec l'ensemble des professionnels, France Travail ou même la mission locale qui s'occupe des jeunes, on s'aperçoit que les professionnels ont réellement besoin de main-d'œuvre et que plusieurs offres d'emploi restent actuellement non pourvues. Donc actuellement, France Travail donc a 29 offres non pourvues dans l'hôtellerie-restauration, dont 8 d'ailleurs en cuisine. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est un secteur sur lequel vous avez de beaux débouchés et une évolution des mentalités. Voilà, puis le lycée professionnel Chaptal est plutôt bien placé avec des commodités de transport, ce qui n'est pas négligeable aussi quand on a besoin de se rendre sur place. Tout à fait, on accompagnera et on accompagne tout au long de la formation le projet professionnel de chacun. On essaye de lever justement les freins même à la mobilité. On vous accompagne si vous avez des soucis justement pour accéder à la formation. Donc vous serez accompagné, n'hésitez pas, n'ayez pas peur et venez participer au Job Chef. Super, eh bien, écoutez, merci de nous avoir consacré un petit peu de votre temps qui est précieux puisque évidemment vous avez du pain sur la planche. Est-ce qu'on peut rappeler toutefois avant de se quitter où retrouver toutes ces informations? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez les retrouver sur le site internet du GRETA Centre Val-de-Loire, également auprès de votre agence France Travail ou de votre conseiller, ainsi que sur mes événements emploi France Travail pour procéder à votre inscription. Et on vous attend nombreux à 13h30. Merci Julie Gandzelevitch. Je rappelle que vous êtes conseillère en formation professionnelle, chef de projet hôtellerie, restauration, tourisme au GRETA Centre Val-de-Loire. Merci beaucoup et on souhaite une belle réussite à ce dispositif. Merci beaucoup Marlène, bonne journée. Bonne journée. C'est la fin de ce mag, merci d'avoir été à notre écoute et je vous laisse en compagnie de la suite des programmes de Radioactive. Les rêves des amoureux sont comme le bon. Il donne de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amère, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. La table de ma nouvelle vie, je suis heureux.